Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Fun Connection numéro 6. Et n'oubliez pas que tout le monde devrait savoir que si vous voulez du bonheur et de la joie dans votre vie, il faut écouter de la funk, donc nous écouter à nous. Et de suite, on va s'écouter Do You Really Love Me de Renee and Angela sur l'album Renee and Angela sorti en 1980. Et tout de suite, ce sera le morceau Move On Up de Curtis Mayfield, sorti sur l'album Curtis en 1970. There's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Sans transition, ce sera Moving On Up de Maurice Starr, sorti sur l'album Flaming Star en 1980. To the president of the record company. May I ask who's calling? Maurice Starr from V-Land, Florida. Could you hold, please? Mr. Johnson, there's a Maurice Starr from V-Land, Florida on the phone. From V-Land, Florida? I never heard of the place. Tell him I'm gonna meet. I'm gonna meet with Tony Rose right now. When I call you on the phone, you were never ever home. But now that things have changed, I'm moving on up in the world, moving on. on retrouve Renee and Angela cette fois-ci encore avec Free and Easy sur l'album Renee and Angela sorti en 1980. Free and easy. Tout de suite, c'est Marvin Gaye, le morceau c'est Let's Get It On, sur l'album Let's Get It On, sorti en 1973. Maintenant, c'est Baby Come On de Maurice Starr sur l'album Flaming Star, sorti en 1980. Yeah. Tout de suite, c'est le morceau Stump des Brothers Johnson, sorti sur le CD de titre Stump en 1980. Et tout de suite, sans transition, c'est Somebody Else Guy de Jocelyn Brown, sorti sous forme de single en 1984. Somebody else's guy. Tout de suite, le morceau I'd Rather Be With You de Bootsy Collins, sorti sur l'album Stand It Out in Bootsy Brubbers Band en 1976. Yeah. Oh yes I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you. Be funny, but I'm really serious this time, baby. I'd rather be with you. Even though it's a cold world, baby, but you know deep down inside that I do love you. I know I sound strange, but I really mean it. We're gonna make it this time, baby. With both hands tied behind my back, baby. On retrouve Betty, l'ex-femme de Miles Davis, avec son morceau Dedicated to the Press sur l'album Nasty Gal sorti en 1975. Don't know where I'm coming from, and ain't nothing that heavy. Oh! Et tout de suite, on s'écoute I'm in Love, Devlin Champagne King, tiré de l'album I'm in Love, sorti en 1981. We'll be right back. Attention, gros lourd, on va s'écouter Hook It Up de Jamiroquai, tiré de l'album Emergency on Planet Earth, sorti en 1983. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, c'était la Fun Connection numéro 6. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Radio Montmirail sur tous les réseaux sociaux. Et pour un peu plus de funk, attendez encore un peu.